Un jour je suis né et j'ai grandi. Alors je me suis dit, je vais faire un groupe à moi tout seul dans mon cercueil. J'ai commencé la corde au cou, mais pas moyen d'y arriver. Le chant cassé comme du bambou, je me suis mis à boire comme un trou. Alors je me suis mis au médoc, mais ça m'a plutôt excité de voir la gueule du médecin qui venait de me réanimer. Alors je me suis dit, dur dur le petit groupe à moi tout seul dans mon cercueil. Faudra que je m'en mette sur la gueule si je veux atteindre mon linceul. Un jour à l'asile psychiatrique, faudra de bombes barbituriques ou des fenêtres sans barreaux, que je puisse me jeter tout là-haut. Et c'est sans crier comme un fou que je mettrai enfin debout. Je vous jouerai une marche funèbre au fond de ma pièce en chaîne. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Alors moi je vous dis, le voilà le petit groupe à moi tout seul dans mon cercueil. Ça vous dit, entrez, entrez, y'a pas de palier. Laissez-vous porter par la mélancolique idyllique, aussi amère que l'acide citrique. Vous y perdrez vos repères à vous en foutre la trique. Buvez le coma éternel, vous goûterez la lie de l'abîme sensationnel. Alors moi je vous dis, le voilà le petit groupe à moi tout seul dans mon cercueil. Oui, le voilà le petit groupe à moi tout seul dans mon cercueil. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta